Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Salut les filles. Salut. Tout le monde est là. Alors, je voudrais d'abord dédier, là c'est pas une blague, ma chronique à une nouvelle supportrice du PSG qui est née il y a peu. Et qui a très bien commencé puisqu'elle a vomi trois fois sur le but de Gignac. Donc dans sa vareuse. Donc ça veut dire qu'elle est bien partie. Elle s'appelle Ambre et je l'embrasse. Alors c'est vrai. Elle est magnifique. Hein, elle est très belle. Notre ami Didier, tu as commencé. Tu nous as parlé. J'ai pas compris les Starlouz qui ont besoin de la carotte et du bâton. C'est un délire particulier. C'est quoi? C'est dans une boîte de nuit? On connaît? J'ai pas tout compris. Hein. Visiblement, ça avait l'air assez chaud. C'est les Starlouz. Elles ont besoin de la carotte et du bâton. Bon, comprenne qui pourra. Mota et Maicon qui sont arrivés à l'entraînement complètement noirs. Ils vont encore se faire chambrer par les mecs qui insultaient Balotelli. Et ça sera pas du racisme. Encore une fois, ça sera juste pour les remettre à leur place. Alors j'ai bien aimé aussi Hout, le joueur allemand qui joue en Angleterre, c'est ça, c'est Fifi ça. Fifi, non, il a jamais Fifi joué, nous a quitté. Alors donc Hout, qui est donc dont le surnom est le mur de Berlin. Oui, le Berlin-Mauro, il est né à Berlin. Bah, c'est bien pour sa solidité, c'est parfait, surtout quand tu t'appelles Hout. Ça s'appelle pas Hout 61, non, son nom en entier. C'est pour montrer vraiment qu'il est costaud. Enfin bref, il y a des surnoms quand même assez bizarres quoi. En Angleterre toujours, il y a Gilbert qui se disait tiens Patrick Vieira, ce qui fait la différence dans l'interview de Louis sur Patrick Vieira, c'est le petit non, ce qui fait la différence c'est que Patrick Vieira, il est chez Louis. Alors que toi t'as pas Louis, soit t'as Jean-Pascal Mignot et Damien Plessis. Tu vois la différence Gilbert? Tu vois la vraie différence avec Luis Fernandez, elle est plus là-dedans. Ah quoi. Peut-être bien alors. Ouais, je crois que c'est ça. Rooney, j'ai vu les stats de Wayne Rooney. C'est assez impressionnant. Wayne Rooney, à lui tout seul, il a les statistiques de tout le Stade Rennais. En occasion, en tir cadré et en but marqué. Alors je me dis que l'an prochain, Rennes, ils ont qu'à vendre tous leurs joueurs, si tu veux. Et avec l'argent, ils achètent Wayne Rooney. Comme ça, ils appellent le Stade Rooney. Le Stade Rooney. Comme ça, avec un seul joueur, ça sera toujours plus spectaculaire. Et puis, pour les commerçants de la ville aussi, c'est tout bénef. Parce qu'en fait, même en consommation de bière, je crois qu'à lui tout seul, il a les stats de toute la ville de Rennes, Wayne Rooney. Donc tout le monde est gagnant. En Rennes. Ah bon? Ah non, mais Wayne Rooney, t'as vu sa tête? franchement, je veux dire, tu le mets à l'entrée d'un bar. Bah, il est tête d'anglais, quoi. Ah, il a une tête d'interdit de stade, mais à part ça, il va très bien. Polo qui était pas bien tout à l'heure, parce que je sais pas quoi, le match de Monique contre les vieilles cousines, ça l'a complètement chamboulé. Oui. Et il nous a parlé de Wolfsburg. C'est ça, le Bayern, les vieilles cousines? C'est soit une équipe de vieilles cousines. Ah, les vieilles cousines, pardon. Moi, je les confonds à chaque fois. Wolfsburg, et t'as dit que Volkswagen allait sanctionner les joueurs. Oui. Alors, ils vont les obliger à rouler en polo, en golf, en passat. Comment ça va se passer? C'est quoi la vraie sanction? Déjà, je te, pour ta culture, Volkswagen est le plus grand constructeur mondial et à peu près toutes les marques. D'abord, je voudrais d'abord dire que Volkswagen est le number one devant Toyota. Largement. Et qui sont passés en tête des ventes depuis 1996. Oui, merci. Je suis un petit peu la construction automobile, mon cher Polo. Voilà. Bah, c'est pas parce qu'ils en vendent beaucoup, c'est comme McDonald's, que c'est bon. Hein. En général, c'est quand même de la bouse. Alors, j'ai aucun contrat avec Toyota. Hein. Je tiens à le dire. Mais s'ils m'offrent un chèque, je peux encore en rajouter. On a parlé de Le Mans. Alors, c'était bien le match aujourd'hui. C'était Le Mans-Le Havre. C'est vraiment un match formidable avec Jovial et Placide. Au MMA Arena, je me dis que la MMA, il devrait carrément prendre Jovial et Placide pour remplacer leur mascotte là, tu sais, comme je sais pas, il a la Matmut, Placide et Museau, hein. Non, les vrais joueurs c'est Jovial, il y a un mec qui s'appelle Jovial, et un autre qui s'appelle Placide. Ouais, tu vois, c'est Wavre. Ah non, c'est Wavre. Ouais, ah bon, d'accord. Je croyais que c'était à MMA parce que déjà qu'à la Matmut ils ont. C'était à la MMA Arena ce soir. Ah c'est ça. Je confonds tout parce que déjà qu'à la Matmut ils ont Chevalier Las Palès. Nous Las Palès, on n'avait pas Chevalier nous au PSG, on avait Las Palès seulement. UFC Nantes. Pour Gilbert. Il venait de Guingamp. Il venait de Nantes quand il est venu chez nous. Oui, il venait de Nantes. Ah, si ça te dérange pas, Daniel. Oui. Avec Charles Bietri qui a dit que ça serait le nouveau Lizarazu. Voilà. C'est une des blagues de Charles Bietri. Alors, pour Gilbert Bribois. Forcément, ça, c'est pour Gilbert Bribois, s'il te plaît, Daniel. Les Lillois qui n'avouent pas qu'ils jouent le titre, c'est comme Strauss-Kahn qui dit je ne vais pas à la présidentielle. Non, c'est comme Strauss-Kahn qui dit je ne vais pas me taper ma nouvelle stagiaire. Ça, oui. C'est parce que la présidentielle, on n'est pas encore sûr. Alors que le reste, quand même, faut pas nous prendre pour des cons. Jérémy, un auditeur lillois qui nous a reproché de ne pas en faire assez sur Sceaux, et il nous a reproché de dire que Gignac, quand il marque, c'est extraordinaire. Excuse-moi, parce que tu trouves ça ordinaire quand il marque, Gignac, toi? Non, mais il est gentil, lui. Bien sûr, c'est extraordinaire, c'est incroyable, même avec le tibia, c'est incroyable. Enfin bref, l'OM. Alors l'OM, Daniel trouve que l'OM, ça gagne, mais c'est pas flamboyant comme à une certaine époque. C'est vrai qu'il y avait d'autres joueurs à une époque. L'OM, c'était Jean-Pierre Papin, Waddle, Abedi Pelé, Bernard Saul, Joël Quignoux, Robert Wurtz, Michel Vautreau. C'était ça l'équipe de l'OM, l'équipe qui fait gagner les matchs avec la manière. Ça change, mais il nous manque. Hein. Ouais, ah, il nous manque. Ah, ouais, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est une autre époque. Hein. Mais bon, le Paris Saint-Germain, oui, pour Daniel, coupé, il est affûté. C'est vrai qu'il est pas affûté à Poula. Ça, son problème, il est pas affûté. Hein. Quand on l'entend parler, il est vraiment pas affûté. Il est pas affûté du tout. Le PSG qui sera en contact avec un Romain. Alors moi, je me suis dit, est-ce que c'est vous, Vucinic, Menez, Totti, hein, Didier? C'est un... non, c'est Romain Amouma de Caen. Ouais. Donc voilà. Enfin, donc Menez, on vous le donne pareil. Hein, si ah oui, avez... non, mais moi je prends. Il y a eu un démenti officiel. Hein, Romain Amouma. Il y a un démenti. Le PSG a même démenti que Roche ait vu Payet au stade. Bien sûr, mais tout. Est... Mais en général, quand le mec il dément, il a un maillot dans la main avec son numéro et son nom dans le dos. On parle bien du club qui voulait pas de Chicharito, c'est ça? Non, mais écoutez, ça va. On voulait pas de Pape Diakaté non plus. On peut pas. Ah! On s'est pas fait baiser à chaque fois. On a eu bon. Parce que là, les mecs à Pape Diakaté, là, c'est un caillou dans la godasse. Hein. C'est pas plutôt Pape Diakaté qui voulait pas du PSG. Enfin, bon, oui, oh, ça va, Gilbert. Où est Niort? Où est Strasbourg? Niort? Je sais pas, t'as une tête de Niortais, excuse-moi de te le dire. J'aime pas insulter les gens. Mais quand même. Alors, pour Daniel, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la chance de s'éveiller au football avec des grands joueurs du championnat de France, comme dans les années 80. Je rappelle que les années 80 nous ont fait rêver avec Janol, Bibar, Sanjak, Despirou et Barabé. C'est vrai, Daniel. C'était une autre époque. Et ouais. Nicolas Douchez qui nous a fait une boulette magique, Nicolas Douchez, hein, contre l'Orient. Alors, on savait qu'il voulait remplacer Apoula Edel, mais je pensais que c'était au PSG, pas dans le style Apoula Edel. Donc là, c'est clair qu'il va, en même temps, je le comprends, c'est difficile de se concentrer parce que il a la tête à Paris, il a le corps à Rennes. Il a le cul entre deux chaises, et quand t'as le cul entre deux chaises, tu peux pas y arriver. Les chansons. Déjà? Ah oui? Oh là là. Je voulais juste d'abord rendre hommage à Auxerre qui sort de la zone de relégation. Ça fait plaisir parce que Auxerre, c'est la Ligue 1. Tu vois, Auxerre, ça représente la Ligue 1. C'est un stade pourri, un stade à moitié rempli, un entraîneur en survette, des joueurs pas trop techniques à 10 derrière, on balance devant pour des types tout seuls. Un nul, c'est génial. Enfin bref, c'est ça la Ligue 1. La Ligue 1, c'est ça, c'est pas l'Espagne, c'est le patrimoine français, c'est l'exception culturelle. La Ligue 1, c'est comme un bon fromage. C'est pas aseptisé, c'est y a de la croûte, ça pue des pieds. C'est rempli d'asticots, mais on aime quand même. C'est ça, la Ligue 1. Et je voudrais finir avec les chansons. Une première chanson pour rendre hommage à une équipe qui nous a quittés officiellement. Ah oui. C'est Arles Avignon, qui part de la Ligue 1. Salut, hommage. La télé, salut, je vois sur mon écran le classement d'Arles Avignon au fond du trou. Un petit tour dans l'élite et retour chez les Pecnos. À jouer Guingamp, Metz, Vannes, Ajaccio. C'est vrai. On y a pourtant cru tous en début de saison. Un recrutement ambitieux, Ligue des Champions. Eh oui. Caristeas, Pavone, Bassina, Semeria. C'était le top niveau, il y a 15 ans déjà. Goodbye, la Ligue 1. Goodbye, merde, je suis en retard. La Ligue 1. Goodbye, la Ligue 1. Merci d'être venu pour eux. Bravo. Les pauvres. Une deuxième. Je sens que je vais être à la ramasse, donc je vais faire directement celle sur Mexès. Ah. Parce que vous vous rappelez que la semaine dernière, Mexès avait chanté une chanson d'amour sur Adil Rami. Ah oui. Et Adil Rami avait chanté une chanson sur Mexès. Oui. Et là, c'est l'inverse. Non, c'est ça. C'est Mexès qui avait chanté sur Rami. Oui, je suis complètement bourré. Hein. Et maintenant, c'est Adil Rami qui chante sur Mexès sa chanson d'amour. 3, 4. Oh oui, oh oui. Tous les jours, je pense à Clairefontaine. Par amour, d'une vedette romaine. Ses beaux yeux bleus sans puer. Oh oh, quand il passe sa main dans sa crinière. Ou qu'il casse un joueur de l'Inter. ça fait monter la chaleur et même mouiller le maillot des supporters. Ouh, ouh, ouh. Mexès, oh mon Mexès, ne touche pas mon Mexès. Il est bizarrement coiffé, un style particulier, mais ne touche pas mon Mexès. Oh non. Mexès, oh mon Mexès, oh yeah, ne touche pas mon Mexès. À vous. Mexès, oh mon Mexès, DJ Mago, touche pas mon Mexès. Il dort. On dirait une vraie star de ciné entre Poulvord et Ludivine Sagnier. Avec son look de hardeur, il fait des jaloux même dans l'after. Ouh, ouh, à vous. Mexès, oh mon Mexès, ne touche pas mon Mexès.